princesse. La vie d'ici ça te plaît. La vue de la ville, moi dans ta ville, loin ta campagne, c'est le pied. Au fait, mon nom c'est Lorenzo, privé Laurent Bruno. DJ Amix Man. Section after dans les enceintes. Mais t'aimes ou t'aimes pas, il faut que je frappe dans tous les tympans. C'est la rien qui veulent nous tuer comme Arafat. J'ai l'air que nos origines sont pas obligées de rimer avec vendeur de shit. Ok, oh, j'crains les balles, j'suis juste un homme, pas de cric cric bam. C'est Lorenzo, toi t'ouvres le feu, que moi j'ouvre le bal. Balle. Fuck going on.